Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. Et c'est parti pour le Planète Rap consacré au Magic System. Comment vont les magiciens? Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce J-6 avant la sortie, ça arrive lundi dans les bacs. Ouais. Africainement Vôtre, le nouvel album des Magic System qu'on découvre cette semaine entre 20h et 21h avec ce soir une soirée mouvementée. On va parler beaucoup foot ce soir. Exact. Ah, vous le savez, il y a la Côte d'Ivoire, la sélection a été dévoilée aujourd'hui. Ouais. La France, c'est là dans 7-8 minutes. Ouais. On va savoir ça. On fera un petit quiz Coupe du Monde. Ok. Mais avec vous cette fois-ci. Il n'y a pas de problème. En foot, plutôt calé. Tout le monde est bien calé dans le Magic System. Tout est calé. Tout est calé dans le Magic System. Ouais. Bon, ça va supporter. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Bravo pour cette expression qu'on a lancée hier. Il n'y a rien pour le moment, mais il y aura un quiz tout à l'heure. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'invités. Ah ouais. Qu'on va vous dévoiler dans un instant. Exact. Mais juste avant, j'aimerais aussi qu'on se replonge sur la soirée d'hier. C'est la première soirée pour ce nouvel album qui sort donc lundi prochain, Africainement Vôtre. Et il s'est passé ça dans l'émission. Écoutez, petit résumé très rapide. Je voulais dire aux gens que le rap et le zouglou ont quelque chose en commun. Ils ont un truc en commun, évidemment. Voilà. Ouais. C'est de la musique de proximité. C'est des gens qui viennent du ghetto, qui ont toujours envie de dire quelque chose. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Ça fait du go go go. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh oh oh. Ville des magiques. Et là, petit blind test justement avec les lyrics, les morceaux cultes de Magic System. Okwale Walio Walio Wai. Walio Wai. Okwale Walio Walio Wai. Attention, attention, attention. Vas-y, faites-le. Au lieu de vous foutre de ma gueule, allez-y, faites-le. Okwale Walio Walio Wai. Agawa Laurent. Voilà pour ce merveilleux quiz qu'on avait fait hier. C'est vrai que je maîtrise pas encore tout à fait, mais je prends des cours. Et ce soir d'ailleurs, il faudra. Il te faut un séjour linguistique à Abidjan. Ah bah avec grand plaisir. Ouais, c'est ça. Je connais pas la Côte d'Ivoire, ça ferait un grand plaisir d'y aller. Il faut que tu y viennes. D'ailleurs, il faut que Skyrock vienne pour les faire. Bien. C'est jamais. Après, il faut que tu. Mais pourquoi on n'a pas fait ça cette semaine? On aurait pu faire le lancement de l'album en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Non, on peut pas faire ça vendredi. La prochaine fois. Bon, la prochaine fois. Ok, sur le prochain album cette fois-ci, je note. Ouais. Bon, Africainement Vôtre. On met le morceau, on présente les invités après. Ok. Il y a du monde dans le studio ce soir. Ah oui, c'est pour le show. Beaucoup, beaucoup. Nous sommes venus avec nos filleuls, là. C'est pour le show, on annonce. C'est pour le show. Il n'y a rien pour le moment, mais juste après ce morceau, je peux vous dire que ça va être blindé. Ça va être chaud. Allez, on débute avec Magic in the Air maintenant sur Skyrock. C'est parti. Allez. Magic in the Air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. Magic in the Air à l'instant avec Ahmed Choki, c'est extrait de l'album, l'album qui est dans les bacs et qui sera dans les bacs dans 6 jours maintenant. Yes. Africainement vôtre. Yes. Et là je crois qu'il est d'ailleurs il est grand temps de présenter l'un des invités. Ouais. Il y en aura plusieurs ce soir. Il y en aura plusieurs ce soir. Là, il nous a fait la surprise de venir depuis l'Espagne. Mm-hmm. Spécialement pour Planet Rap. Il est avec nous, c'est Choki. Je crois que de manière officielle, c'est la première fois qu'il est avec nous à une émission. Et donc, pour ça seulement, je demande qu'on l'applaudisse. Bah, bien sûr, Ahmed Choki qui est là avec nous. Je vous préviens, il parle pas bien le français. Et voilà le vrai truc. C'est que, comme Ahmed vit en Espagne, il parle forcément espagnol. Voilà. Beaucoup espagnol. Ouais. Et que là, autour de la table, franchement, déjà en anglais d'habitude, c'est dur. Non, il va faire un effort. Choki, tu fais un effort. Parle le français que tu connais. Attends, le seul truc que je peux. Je vais tenter un truc, juste le truc en espagnol. Hola, ¿qué tal? Bien. Tiens, le micro, microphone. Bien, mais allez, on a des commentaires. Laisse, ouais, je suis. Merci avant pour avoir de m'avoir invité à Skyrock. Voilà, c'est bon. je suis très heureux de faire la chanson avec le magicien. Yeah. Alors, il s'est imposé à mettre Choki sur le morceau. Vous aviez pensé à lui directement? Non, c'est quelque chose. En studio, on arrivait en studio. Voilà, on a improvisé quelque chose. L'ambiance était tellement bonne qu'on a dit bon, voilà, écoute. Pourquoi on essaie quelque chose et il a posé. Ah, il n'y avait rien vraiment de prévu en fait. Il n'y avait rien de prévu. Pour le frère, c'est une connaissance, c'est une de vos connaissances. Non, il faut dire que c'est le filleul de Red One. Ok. En fait, Ahmed Choki, c'est le filleul de Red One. D'accord. Et Magic System, c'est pas sa première expérience. Il avait déjà bossé avec le Pitbull. Avec Pitbull, la Bibi I Love You, qui est un morceau incroyable celui-ci. Voilà. Ah ouais. A Bibi I Love You, voilà. Celui-ci. Et donc, oui, en fait, donc par le biais de Red One. Qui a produit le son de Magic in the Air. Voilà, donc il a posé la voix, puisqu'il était en studio quand on enregistrait. Il a posé la voix et voilà, ça a été bien. Merci beaucoup encore. Merci Choki. À vous. Tu connaissais Magic System un petit peu? Bien sûr. On va bouger. Ça. C'est pour moi. Comment on dit en espagnol d'ailleurs, on va bouger? Bien sûr, parce que je suis marocain. Ou en marocain, non, en fait, je voulais translate, on va bouger in Spain. Vamos a... No sé, a ruina. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a movernos a desatar la locura. Voilà. Sachez qu'ils vont nous rendre le coup quand on ira en Espagne, ça c'est clair. Bon, bah, bienvenue en tout cas. Merci, c'est trop gentil. Ah, mais dans pleine forme. Tout va bien, tout est ok. Bon, si quelqu'un parle espagnol ici ou un auditeur ou une auditrice, envoyez un petit message comme ça, au moins on aura la traduction en espagnol. Ça sera... Mais il y a Bernie le mytho là qui nous fait savoir qu'il comprenait espagnol. Là il a disparu. Mais c'est déjà Bernie s'est planqué. Et quand on a réussi à le choper avant qu'il se planque, il m'a dit non, je parle portugais. On est bien avancé avec ça. Bon, on cherche un mec ou une nana qui parle super bien espagnol. Vous allez faire la traduction. Allez-y, laissez un message 41759 avec Ahmed Chaouki, qui est là notre invité, donc qui est présent aussi sur l'album Magic in the Air. Ouais. On continue le tour de table des invités ou pas? Oui, on va continuer. Enfin, ceux qui sont là un peu répandus un peu partout dans le studio. Ah ouais, eux, c'est nos filleuls. C'est le groupe Banan C4. C'est nos filleuls. On a voulu qu'ils viennent à l'émission avec nous. Faudrait qu'ils apprennent aussi à découvrir l'atmosphère de grosses chaînes de radio et tout. Et puis aussi, c'était pour une manière pour nous de leur dire félicitations. Parce qu'ils ont repris magistralement le titre Premier Gaou. Premier Gaou, ouais. Voilà. Et je crois que pour la première fois qu'ils vont jouer ce titre officiellement, ça sera tout à l'heure. Et bon, on va le jouer, ouais. On va le jouer dans quelques minutes. Voilà, dans quelques minutes. Et ben, applaudissons aussi Banan C4. Donc, c'est quoi? C'est petits frères, filleuls, c'est. C'est des petits frères, c'est des jeunes qui sont venus à la musique et on a vu que chaque fois ils font des efforts pour pouvoir être là. Et nous on s'est dit pourquoi pas donner cette occasion là aux jeunes de s'exprimer. Ça fait aussi la relève. Et puis je crois que quand il y a des gens qui travaillent bien, il faut les encourager. On a voulu les encourager. Tout à l'heure on vient de boucler même une partie du tournage de clip. Ils sont en train de préparer un beau clip. Et bon, regarde, ça continue à tourner encore dans le studio. Voilà, là ça continue parce que voilà, c'est une belle chanson. On a été agréablement surpris par la reprise quand on sait que c'est des jeunes qui ont fait ça. Et ceux qui vont l'écouter tout à l'heure, je crois que ils comprendront pourquoi j'ai dit que c'est une belle chanson. Bon, qui vient de dire un mot pour Banan C4? Ah, vas-y, installe-toi. Qu'on ait un petit peu le CV express de Banan C4. Un petit peu d'où vous venez, ce que vous avez fait. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Vous êtes combien alors dans le groupe? On est 5. 5? Ouais, on est composé d'Ibraz Rose, DCK, Shengatori, moi-même Miro Lecoq, Bombastic. D'accord, donc il y a dans le groupe du chant, de la danse aussi beaucoup. Voilà, plus de chant. Plus de chant. Et de la danse aussi. Et de la danse aussi. Voilà. Et là, on est actuellement dans la préparation de notre premier album, qui va s'appeler Arrête Jeu. Et on a voulu faire honneur à toute l'Afrique en reprenant un classique qui est Premier Gaou. Donc, voilà. Bon, ça c'est un morceau culte en plus celui-ci. C'est une grosse pression parce qu'il y a eu tellement de succès ce morceau que. Bah nous on a fait le possible, hein. On a fait le possible et je pense que si on est là aujourd'hui on s'est très bien défendu et on espère que ça va plaire au public. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute maintenant en même temps? Comme on en a parlé, c'est peut-être bien de le passer maintenant. Ok, ça marche. Donc c'est Banan C4, on peut le trouver celui-ci ou pas? Il sera dans l'album. D'accord. Il y a la précommande qui va être lancée incessamment sous peu. On travaille avec Boma et Musique, donc big up à Philo. Ah bah salut voilà. Philo, l'équipe de Youssoufa, Philo. Donc voilà, l'album arrive très très très bientôt. Arrête Jeu, c'est notre premier album. Vous pouvez nous suivre sur Banan C4, c'est le Twitter, ou Banan C4 officiel 2.10, le Facebook. Donc voilà, et un grand merci aux grands frères Magic System. Parce que voilà, c'est des grands cœurs en grand cœur. Ouais, j'allais vous demander, c'est quelle image ils ont justement Magic System, c'est le groupe par excellence. Quelle aura à Magic System? C'est le groupe par excellence. Vous savez, nous on est un jeune groupe. Et voilà, si demain on devait ressembler à un groupe africain, ce serait Magic System. Donc voilà, c'est franchement un très grand groupe. Un grand merci. Et ben on va donc écouter cette version de Premier Gaou que vous avez enregistrée. Ouais. Donc version 2014 avec Banan C4 maintenant. Dites-nous aussi ce que vous en pensez avec le hashtag Magic System sur Skyrock, le hashtag Banan C4. Tiens, j'en vois plein défiler aussi avec le hashtag Skyrock, allez-y. On vous balance donc ce morceau, Premier Gaou, la reprise par Banan C4. Donnez vos impressions tout de suite sur Skyrock. Deuxième Gaou qui est Niatao. Et on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao. Quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble au, à la rue Princesse au, au mille maquillots, des CK payer les poulets au. À toi est fini, à toi changer de côté au. Waribana, elle a changé de copain au. Nangele nangele wa, eh, nangele nangele wa. Nangele nangele wa, eh, nangele nangele wa. Je merci pour pour moi, je savais chanter un peu. Autant dans les tableaux, on nous voit à la télé. Matin, midi, soir, les C4 sont à la radio. C'est à la galère que la voilà tout m'a quitté. Oh. Ah, c'est dans la galère que la voilà tout m'a laissé. Oh. C'est le monde à ukulélé. Magic System fait bouger le monde à ukulélé. Sur Skyrock, c'est bon à C4. Voilà, à l'instant, le morceau. Premier Gao Remix. Bon, est-ce qu'il est validé par les magiciens? Ah. Il est très bon. Il est très, très, très, très bon. Très, très, très bon. Ouais, c'est très bien bon, chanté. Bana ils sont C4. Bons, ils sont bons. Voilà, ils donc, sont bons. Parce que, voilà. Non, le titre. Le titre est bon. Ouais. Bon, l'album arrive quand? L'album, il arrive très, très, très bientôt. Donc, courant année 2014. Non, même cet été, avant le début de l'été, là, normalement. Donc, voilà, on voit ça avec Boma et Musique, qui va donner le programme. Comme je l'ai dit, suivez-nous sur nos réseaux, Bana C4, sur Twitter ou Bana C4 officiel 2.10. Vous allez avoir toutes les informations. Ça arrive tout doucement. Très bien, donc c'est à suivre pour Bana C4 et puis donc l'album avant l'été où voilà. On trouvera donc ce morceau qui s'appelle Premier Gao. Voilà, merci. Ça va être la guerre, on va se battre dans les charts. Bon, vous restez un petit peu avec nous. Ouais, on est là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une traductrice en espagnol. Ah, on est sauvés. On est sauvés. Avec Sarah qui en plus a fait une licence d'espagnol. Tiens, est-ce qu'on peut prêter un casque pour qu'il entende Sarah. Bien Ahmed Chaouki. Sarah, comment ça va Sarah? Allô, oui, ça va. Ça va, tu vas nous aider parce que je peux te dire qu'ici en langue. Ouais. C'est, d'accord. J'ai essayé un petit peu. C'est pas gagné. Je te présente Ahmed Chaouki. Hola, Sarah. Ahmed. Tu peux lui parler en espagnol. Hola. Hola, qué tal, tout bien. Muy bien. Me parece perfecto que alguien que sepa inglés, espagnol aquí, A ver si me traduces algo. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est un test. Premier test pour toi, Sarah. Il a dit qu'en gros qu'il était content de enfin retrouver quelqu'un qui parle espagnol. Donc il était pas bien. Ouais, il était pas bien. Depuis le début de l'émission, il était pas super bien en fait, Ahmed. Là ça va, tu te sens un peu mieux. Tu te sens un peu mieux. Bien sûr. Ouais. Tiens, Sarah, demande-lui juste le boulot avec Magic System. Un petit mot sur Magic System, ce qu'il pense du groupe et surtout sur le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Magic in the Air. Allez, débrouille-toi en espagnol maintenant, moi j'ai fait mon taf. Ahmed, ¿qué piensas del grupo Magic System? Comment ça, c'est du français? Concentre-toi. Non, comment? Ah, comment, pardon. Ouais. Ok. comment se passa el trabajo. Voilà. Pues ha sido un placer conocerles y trabajar con ellos porque son. Ouais, c'est un plaisir de travailler avec eux. Que son un grupo que lo conozco hace tiempo y soy de hace tiempo que sigo sus trabajos y me encanta su música porque yo soy también africano y por eso la vibra me llega, ¿me entiendes? Ouais. Bah, il a dit en fait que c'est un groupe qu'il aime bien et ça lui a fait plaisir de travailler avec eux parce qu'il est aussi lui-même africain, d'origine marocaine, je crois, c'est ça? Ouais, oui, exact. Voilà, donc il dit voilà. Bah écoute, ouais. Sarah, elle se débrouille super bien. Ouais, ça n'est même pas la science, elle a même pas. J'ai un petit peu de reste, ouais. On va dire en fait que je comprends mieux que je le parle en fait. Pour comprendre, il n'y a pas de souci, mais un petit peu, j'ai un petit peu de difficulté à le parler encore. Ah, tu es comme moi là. Voilà. Bon tiens, petite dernière question, puisque dans un instant on va faire un blind test sur le foot, sur la Coupe du Monde, Sarah. Bah, t'inquiète pas, tu ne seras pas obligé de rester. Et l'Algérie en Coupe du Monde, hein. Mais, je sais, il y a évidemment l'Algérie qui est en Coupe du Monde. Il y a l'Espagne aussi. L'Espagne, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La France. Surtout la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a les dernières infos sur l'équipe de France ou pas encore? Non, pas encore, on va le savoir dans un instant. Est-ce que tu peux lui demander justement qui voit en finale Ahmed? Ah, bon courage. Para tú, ¿quién será al final del Coupe del Mundo? Ouais, de la Coupe del Mundo. Dès que je peux glisser un petit truc. C'est ça en plus, la Coupe del Mundo. La Coupe del Mundo, voilà. Ouais, espero que llegue Côte d'Ivoire, bien sûr. Not Spain. Et l'Algérie, non. Je suis espagnol, je suis marocain. Ah, mais toi, tu vois l'Algérie. Okay. Non, Algérie. Toi, tu vois l'Algérie, Sarah. Toi, Algérie. Bah oui, je suis algérienne. Ah, Algérie aussi, hein. Ok. Algérie et Côte Maroc. D'Ivoire. Malheureusement, Maroc. Ça va être compliqué. Ça va pas là. Ça va être compliqué. Bon, mais merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Sarah. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Ouais, on va te filer l'album de Magic System, tu mérites largement. Ahmed, justement, toi, t'as un album, tiens, j'aurais dû garder ça, t'as un album qui sort, t'as bientôt une sortie à annoncer? Non, j'ai un single, maintenant seulement. J'ai fait un clip avant 2 jours, en Ibiza. Et je crois qu'elle va sortir. Le dernier de ce mois. De ce mois, okay. Donc à la fin du mois, il y a un single, il s'appelle comment le single? Il sait même plus. Non, tu veux comprendre pas. Il veut dire ça en français. The time of our lives. D'accord. C'est l'espagnol. En anglais, en arabe, en français aussi. The time. J'aime beaucoup. The time. Of our lives. Of our lives. C'est notre vie. Le temps, c'est notre vie, c'est ça? C'est the time. The time. Le temps. Le temps de nos vies. Le temps de nos vies. Le temps de nos vies, ouais. Et j'ai dit que je comprenais l'anglais. Ouais. Bon, il est là en tout cas, et puis il est aussi sur Magic in the Air, le Magic morceau. Magic in the Air. Vous allez le faire en live tout à l'heure, vous allez chanter. Ouais. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a le temps de. Non, on le fait après la pub? Le petit quiz. Bon, alors attention, on va y aller maintenant. Quiz autour de la Coupe du Monde, s'il te plaît. Mettons l'hymne de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas Côte d'Ivoire. Ah non, ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça. C'est pas notre hymne national, ça. Ça, c'est Pitbull, justement. Ça, c'est le son officiel de la Coupe du Monde. Ah, voilà. Non, je voulais un truc plus solennel, Fab. Je voulais, s'il te plaît, l'hymne ivoirien. Yeah. Voilà. Là, il faut chanter, arrête de faire ton Taubira. Tes filles chères Côte d'Ivoire, chers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire. Débattirons dans le bonheur. Voilà, ce morceau est sur l'album de Magic System. Nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant une dans la foi nouvelle. La patrie de la vraie fraternité. qui joue la finale de la Coupe du Monde. Déjà, on y est. On y est. C'est l'Abidjanaise, hein, c'est ça le. C'est l'Abidjanaise. Ouais. L'Abidjanaise, ouais. L'hymne de la Côte d'Ivoire qu'on écoutait à l'instant. Alors, attention. Petit blind test, alors ça, Bana Seca, tu voulais participer, c'est tout le monde. Ahmed, je suis pas sûr. Ouais, il peut venir. C'est de traduire en espagnol. C'est le blind test, il est pour vous. Ouais. Ce blind test est pour vous. Je pose des questions, vous me donnez les réponses. D'accord. Et si vous avez la réponse, vous nous aidez. Attendez, chacun prend la réponse. Un partenaire, allez. Allez, je c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, regardez pas ce partenaire parce que ça, c'est moi et vous avez. Deux. Attention. C'est lui qui est avec Shaoqui, il va souffrir. Le pauvre. Pourquoi appelle-t-on les joueurs de la Côte d'Ivoire les éléphants? Parce que l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et c'est la défense, l'Ivoire. Le point est pour Bana C4. Le point est pour Bana C4. On n'est pas loin, alors je vous donne la réponse. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les éléphants? Parce que pour comme de nombreuses autres sélections africaines, les joueurs ivoiriens sont surnommés du nom d'un animal, en l'occurrence les éléphants. Et le choix est à rapprocher des légendes et traditions de la Côte d'Ivoire, dont le nom même renvoie à l'Ivoire, des défenses d'éléphants. Donc bravo. Non, donc c'est Bana C4. Bana C4, un point pour l'instant. Bravo. Attention. Magic, oui, ça va être un combat entre Magic System et Bana C4, hein, parce qu'Ahmed, on l'a perdu. Hein. Oh. Parce que là, Ahmed, on l'a totalement perdu. On y va. Dans la liste des 28 joueurs sélectionnés aujourd'hui par Sabri Lamouchi, combien de joueurs jouent en France? Patate. Je pense à 7 joueurs. 7 ou 6. Moi, je pense à 8. 2 points pour Bana C4. Oh bien. Ah, écoute, moi je suis dans l'équipe de Bana C4. Hein. Pas Magic System. Hein. On a 7 joueurs, en effet. Il y a Serge Aurier qui est à Toulouse. Ouais. Angoua Brou Benjamin à Valenciennes. Brice Djadjedjé qui joue à Marseille. Akpro à Toulouse. Ismaël à Saint-Etienne. Max Gradel à Saint-Etienne. Et Salomon Kalou à Lille. À Lille, voilà 7. 2 points pour Bana C4. Mais je suis fou, j'avais la réponse sur la feuille il y a quelques temps. Attention, on va essayer de départager maintenant au moins peut-être un point pour Magic System. Ouais. Les éléphants ont participé à combien de phases finales de Coupe du Monde? 3. Là c'est la troisième. Ok, c'est bon, j'accorde, parce qu'en effet il y a eu deux participations. Bah non, vous avez intérêt à perdre. Hein. 2006, 2010 et donc la troisième en effet, là, 2014. Ouais. Bon, quand même un point pour Magic System. Ouais, c'est bon. Allez, encore une question. Ok. 2-1 pour l'instant. C'est Bana C4 toujours en tête. Quel est le meilleur buteur de la sélection ivoirienne? Didier Drogba. Ah, j'ai envie de dire égalité là. La question annulée. Bon, et question annulée. Tout va jouer. Tu sais quoi? Là, ça va être la super question. C'est-à-dire que ceux qui ont la bonne réponse à cette question remportent le blind test. Ok. Si je vous dis 3-0. À quoi ça vous fait penser? La France qui bat la Côte d'Ivoire à Montpellier. Alors là, bon. Ah, ils sont encore là, les tontons. Hein. Désolé, les gars. Vous pensiez faire un putsch, mais ils sont encore là. En effet, c'était le 17 août 2005 à Montpellier, victoire de l'équipe de France. Exact. Bon, c'est un match amical. C'était le retour des Zidane en plus. C'était. Voilà. Incollable. Bon, dans un instant, tiens, il y a l'équipe de France, on a la composition, dans un instant on vous la donne. Bougez pas, en tout cas, bravo Magic System, pas mal, Bana C4 sont bien débrouillés aussi. Ah, ils ont intérêt à perdre. Hein. Mais peut-être qu'ils ont laissé. Ne pas les parer, c'est pas bon. Ne bougez pas, dans un instant, on vous mettra un extrait de l'album de Magic System, évidemment. Ce sera. Qu'est-ce qu'on a dit On a tu dit. Es fou Non, pas tu es fou, on a l'homme dit qui a l'homme peur. Qui a peur. L'homme qui a peur. Ouais. Et bah, bougez pas, et puis sélection de l'équipe de France dans un instant. Comme toi, Magic System a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Magic System, nos invités. Ouais, ils sont là. Ahmed Shaoqui qui est là aussi, qui nous vient tout droit d'Espagne. Avec, il est présent sur le morceau, on t'écoutera tout à l'heure en live. Magic in the Air, Bana C4, ils sont là aussi. Il y a quelques minutes, ils ont failli toller le Magic System lors du blind test spécial foot. Chaud. Puisque ce soir, vous le savez, c'est Coupe du Monde. On a appris aujourd'hui donc la sélection, les 28 joueurs de la Côte d'Ivoire. Ouais. Là, on vient d'apprendre les bah, les 23 joueurs français avec les 7 réservistes. Ouais. Bah, pas de grosse surprise à un moment. On fera un point tout à l'heure à 21h. Ouais, seulement qu'il y a un qui prend sa retraite avant d'aller à la Coupe du Monde, il faut le dire. C'est Landreau. C'est vrai. Landreau qui est sélectionné en tant que troisième gardien qui est déjà en retraite en fait. C'est vrai qu'elle est pas mal celle-ci. Bon, bah, vous pourrez commenter tout ça à partir de 21h dans la radio libre avec D-Fool. Ce sera tout à l'heure sur Skyrock. D'ici là, on met un morceau. On est premier morceau des Magic System. L'homme qui a peur, c'est ça? Ouais. Qui nous dit un mot sur ce morceau, messieurs? Comment il est né? Comment il a été? Non, on a voulu un peu détendre les gens parce que ces temps-ci, on parle de chômage. Chaque fois, on fait le point sur le nombre de chômeurs. On s'est dit, voilà, il fallait être décomplexé, il fallait se déstresser, il fallait être positif. Et on dit Magic System. Dans cette chanson, on dit Magic System a le secret. Rejoins-nous, faisons la fête, ça nous fera oublier nos soucis. Allez, c'est parti, l'homme c'est qui parti. A peur maintenant, c'est extrait d'album qui sort dans 6 jours. Magic System, nos invités. L'homme qui a peur à l'instant, Magic System, c'est extrait de l'album qui sort dans 6 jours maintenant, africainement vôtre, nos invités toute la semaine entre 20 et 21. Le Magic System sur Skyrock, dans un instant on mettra un autre morceau, il y aura le live aussi. Ouais. Prêt pour Magic India? Très prêt, et surtout avec la présence des Shaoki, on est prêt. Et bah c'est dans un instant, ne bougez pas sur Skyrock. Et là je vous présente, bah tiens, compatriote, il s'appelle Marocco, 26 de Valence. Salut Marocco. Salut, ça va ou quoi? Et toi? Ça va, tranquille. Hein. Je disais compatriote pour Ahmed Shaoki qui est là avec nous, Marocco aussi, avec le Magic System. Ah ouais, gros big up à eux, faut pécho l'album pour danser tout l'été là. Ça sort dans 6 jours, c'est lundi prochain. Dans 6 jours, lundi prochain, ah ouais, ok, d'accord. Bon, t'es prêt à faire un freestyle par téléphone, on t'écoute, c'est parti? Ça y est, ouais, ok, d'accord. Allez, freestyle par téléphone, Marocco. Ah ok. Yeah, ok. C'est le M, tu me reconnais. Yeah. Je manie le mic et les mecs ont le seum. Je manie le mic et les mecs ont le seum. Oh, je manie le mic et les mecs ont le seum. Je manie le mic et les mecs ont le seum. Ok. Je m'allume le mic, m'a encore respect. Dédicat à mon frère, l'équipe qui t'est prêt. L'aime qui se pas prêt, l'aime qui se cachait. Mon équipe est dopée, mon équipe est OP. Ton équipe est choquée, BDK est chauffée. Le rap on a chauffé. Marre d'écoute et tout beau. S'il y a de la chasse, c'est que je suis. Je mets un blesse, c'est pour mes regards, pour mes soldats. Toujours ce The Plan, je viens du rock, ma 40, tu touches ta tête pas, t'écoutes pas. Le rap est mort, je juge, coupable. Rage en silence, sinon les coupables. Je nique sa mère, oh, waka waka. Je veux lui faire un caca, rester dans le game à la Maradona. Coca, Sky, des faux sur Bleuta. Ramène les podcasts, on met des rats de cas. J'ai le 120 russe, toujours ce vodka. Nos âmes sortent toujours sur Coca. Jette-moi et tu qu'on va niquer ta jeta. Dans le game, j'ai fait une conquête. Marocco, Mike, c'est Pierre qui t'emplète. Tu laisses pas complète. Trop grave, lâche la plaie, c'est gonflette. Arrête la trompette, j'ai mal à comme ma peine. J'ai que la maille, puis y'a tout qui m'appelle. J'ai mal que ma peine, c'est le MMM. Trop grave, pleurant de la NNN. J'manie le mic à la Wu Tang Clan. Nigga, nigga, ramène ton clan. Nigga, nigga, ramène ton clan. Yeah, BDK, ça taf dur. R1 Chris, Marocco. R1 Chris, Marocco. R1 Chris, Marocco. BDK, ça taf dur. R1 Chris. Billy Beats, R1 Chris, Billy Beats, R1 Chris, Billy Beats, yeah. Ok Marocco, à l'instant en freestyle, merci à toi. Merci Marocco. Bravo. Ah, de bravo rien, Marocco. Merci à vous, merci à vous. Un petit message, petite dédicace à passer. Ouais, bah pareil, dédicace à tous ceux qui me soutiennent, à BDK Crew, Billy Beats, et merci à vous aussi pour les freestyles que je fais sur Skyrock. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Marocco26, c'est la page. Marocco26, merci à toi Marocco26. Bah merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock. Bonne soirée à toi. Magic System, ils sont là avec nous. Ahmed Chouki est là aussi. Banassé 4, ouais. Ils sont là, qu'on a présenté il y a quelques minutes. Mm-hmm. Avec le remix de Premier Gaou. Ouais. Et là, on va remettre un autre morceau maintenant de l'album Africainement Vôtre. Ouais. C'est le Savoir, c'est ça? Enfin, Savoir. Ouais, Savoir. Bon, Savoir, c'est une chanson spéciale. Hein. Elle a été conçue pour soutenir les actions de l'UNESCO en faveur de... Parce que tu es ambassadeur, toi. Voilà, je suis ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Mmh. J'avais voulu faire une chanson dont les bénéfices seront réversés à l'UNESCO pour préfinancer des projets dans l'alphabétisation et l'éducation en Afrique. Mmh. Parce que c'est vraiment un handicap pour le continent. Donc voilà, c'était la contribution de Magic System. Et c'est une chanson qui vient du fond du cœur. C'est quoi d'ailleurs être ambassadeur de l'UNESCO? C'est quoi ton rôle? Mais c'est prôner les valeurs, c'est prôner les valeurs de l'institution, défendre les valeurs, défendre certains projets et puis aussi contribuer au rayonnement de l'organisation. Donc quand on te nomme ambassadeur de l'UNESCO, je crois qu'il y a une mission qui t'est assignée. Mmh. Et celle qui m'a été assignée, c'est celle de l'alphabétisation et de la culture de la paix. Parce que je viens d'un pays qui a connu pas mal de guerres. Ouais. Et voilà, on avait voulu contribuer à notre manière. Donc, Ils viennent te chercher, ils t'ont demandé, c'est comment? Oui, ça se passe, c'est au fait, c'est ils approchent les différents gouvernements et ils demandent les personnes aptes. D'accord. À représenter des personnes de valeur qui peuvent représenter l'organisation. Et aussi, ils ne tardent pas à fouiller les actions qui ont été menées. Et vous savez que Magic System, depuis 2005, est beaucoup porté sur les actions sociales. Nous avons essayé de construire des écoles, des hôpitaux, apporter notre contribution aux plus défavorisés en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Il y a un festival d'ailleurs que tu fais aussi chez voilà, chaque le année, festival de musique urbaine, ouais. Danou Mambo, ouais. Qui nous permet de recueillir des fonds et de les réinjecter dans le social. Et je crois que tout cela a pesé dans la balance pour que je sois choisi comme ambassadeur de bonne volonté. C'est une belle mission. C'est une belle mission. On est toujours heureux de rendre les autres heureux. Il y a une durée dans le temps ou... C'est sur 2 ans. Quand la mission n'est pas bien, on ne renouvelle pas. Quand la mission a été accomplie, on renouvelle. Donc je croise les doigts parce que ma mission prend fin le 3 septembre à 10 jours de l'Olympia des Magic System. Ah, il y a un Olympia, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Olympia, si on en parlera. Ah oui, il y a un Olympia. C'est l'Olympia. Il y a deux événements. Il y a le 14 juillet qui est... Ouais. La fête nationale de France, et il y a le 13 septembre qui est l'Olympia des Magic System. Donc ça, c'est une date à ne pas rater, parce que là encore, c'est un show à l'africaine. Là, on retourne bientôt à Abidjan pour préparer le spectacle, parce que ce jour-là, l'Olympia doit prendre, entre guillemets, feu. Parce que, Banassé 4, vous viendrez nous soutenir, j'espère. Voilà, obligé. Donc, il y aura tout le monde. Ça sera une très, très belle fête. J'ai envie tout le monde doit venir à l'Olympia. Il n'y a rien pour le moment, mais le 13 septembre, attention là. Ah, le 13 septembre, ça va être chaud. Et puis, bon, je voulais profiter en même temps de l'antenne, pendant qu'on parle de l'Olympia, pour citer toutes les dates, parce que nous, il y a une grosse tournée qui va se mettre en place. Donc, la tournée va commencer à partir du 31 mai à Déol. Le 4 juillet, nous serons à Bagnols-sur-Cèze. Le 13 septembre, c'est l'Olympia, je l'avais dit tout à l'heure. Le 1er octobre, il y a Albi. Le 2 octobre, il y a le Zénith de Pau. Le 3 octobre, il y a la Médocine à Bordeaux. Le 4 octobre, il y a le Zénith de Limoges. Le 8 novembre, il y a Dol. Le 11 et 10 octobre, nous sommes à Bamako. Mmh. Le 21 et 23 novembre, nous sommes à Lomé. Le 29 novembre, nous sommes à Abidjan. Ah ouais. Le 16 janvier 2015, nous sommes au Parc Expo de Tours. Le 17 janvier, nous sommes au Zénith des Caen. Le 6 février, nous sommes au Zénith de Rouen. Le 7 février, nous sommes au Zénith d'Amiens. Et nous sommes déjà en 2015. Donc attendez, les dates de 2016 arrivent. Le 20 mars, nous sommes au Zénith de Nantes. Et le 3, le Zénith de Nantes qui avait été l'un des meilleurs Zéniths, des 22 Zéniths que nous avons fait en 2012. Ouais, ça, et le 3 avril, nous sommes au Zénith de Lille. La liste est longue, on ne peut pas tout dire, sinon on va terminer l'émission liste. Ça mais après, les gens pourront aller sur le site de Magic System. Le gros rendez-vous, c'est le 13 septembre à l'Olympia. Il faut venir, on va faire le show Magic System. Et tous ces invités, Soprano, Mokobe, Leslie, tout le monde sera là. Voilà. Donc loupez pas, 13 septembre et puis toutes les autres dates aussi, on les refilera d'ailleurs dans la semaine, hein, entre 20h et 21h. Et puis pour conclure aussi là-dessus, donc bravo, j'ai envie d'applaudir pour cette œuvre dans l'UNESCO dont on parlait, ambassadeur UNESCO, voilà, histoire d'apporter un petit peu de chaleur, de culture, de lien dans les pays africains, apporter un petit peu voilà de bonheur, et c'est super important. C'est important pour nous. Et ben on écoute ce morceau maintenant, Savoir, que tu as écrit justement à cette occasion. Comment lui dire les mots qui le feront grandir? Comment décrire ces mots s'il ne sait pas les écrire? Il ne rêve pas de pouvoir, il veut juste apprendre et savoir lire toutes ces histoires pour garder l'espoir. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, il veut le penser à soi. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, il veut le penser à nous. Quel est son avenir, son devenir, s'il n'y a pas d'école à construire? Comment peut-il choisir le chemin pour réussir? Il ne rêve pas de victoire, il veut juste apprendre et savoir, il dit qu'il peut entrevoir la lueur de l'espoir. Il veut ça, il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, il veut le penser à nous. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, libérer les pensées en homme. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, libérer les pensées en homme. Changer les pensées à nous. construire une école, c'est fermer une prison. À l'instant, savoir. Un joli morceau qu'on retrouve aussi sur l'album qui sort dans 6 jours, l'album de Magic System, africainement vôtre sur Skyrock, avant de retrouver la radio libre de Difool d'ici quelques minutes, de commenter cette sélection. Les joueurs de foot, ça y est, on les connaît pour la sélection française. Ouais. Liste des 23 joueurs avec 7 réservistes. Pas de grosse surprise, bon, Nasri, on le savait. Ouais, on savait. Il le savait avant nous. Ouais. Il avait même dit lui aussi, il avait dit j'y serais pas, donc il s'est pas trompé, il aurait pu parier. Non, il aurait pu parier. Il y était pas. Ouais. Il y est pas. Sinon vous pourrez commenter ça dans un instant chez Difool. Mais là, je propose que l'on fasse un live maintenant. Ouais. Profitons d'Ahmed qui est là. Ah ouais. Qui est arrivé d'Espagne. Yes. Tout frais. Pour le morceau Magic in the Air. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as entendu? T'as dit quoi? Non mais tu as dit, il est arrivé tout frais. Oui. Il a ajouté payé. Tout frais payé, exact. C'est vrai, il est là. T'as pas compris, hein, mais c'est espagnol. Non. Muchas gracias. Muchas gracias. Bon, on y va. On y va pour le live maintenant. Allez. Magic in the air en live sur Skyrock. Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Hey. Feel the magic in the air. Suno. Aïe, aïe, aïe. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Comme d'habitude, on est calé. Oh, eh, oh. Comme toujours, ça va aller. Ah. On te met l'ambiance à gogo. Oh, eh, oh. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, oh, feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos. Oh, ouais, oh. Nous, on vient dans nos mambo. Ah, on te mélange dans sa gogo. Oh, ouais, oh. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, oh, oh. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic in the air. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Suno. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je suis Skyrock. Ah ouais, hein. Uh-huh. Planète Rap. Ah, ouais. Ah, ouais. Yes, I. Et Shaoki. Samampa. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est trouvé du go go go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, oh oh oh, feel the magic in the air. Lève la main à l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic in the air. Lève la main. c'est ça qui est la vérité. Ah, sur Skyrock. Ah ouais. À l'instant, en live sur Skyrock, Magic System avec Ahmed Shaouki. Gros live de Magic in the Air qu'on retrouve sur l'album, évidemment, l'album africainement vôtre. Oui. Et qu'on découvre toute la semaine entre 20h et 21h. Juste avant de se dire au revoir, on va faire tourner la roulette maintenant, c'est parti. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Magali de Liévin. Ouais. Ça va bien, Magali? Ça va, ça va. Je te présente le Magic System. Il est là toute la semaine. Le groupe est là toute la semaine entre 20 et 21. Ouais. Et ouais. Tu es prête à faire tourner? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Fais-nous un. Ah là, ça change de la voix sexy que tu avais il y a 30 secondes. Eh ouais. Une voix bien plus énervée. Et pour toi, c'est pas une ni deux, mais quatre places pour aller voir le film événement, le film Skyrock qui sort demain, Godzilla. Il y a quatre places nickel. Pour toi, Magali. On te les envoie du côté de Liévin. Ok, nickel, merci. Merci, on te fait des bisous. Ouais, bisous. Je peux passer une dédicace? Vas-y, vas-y, vas-y, petite dédicace. Okay. Donc, dédicace à mon frère Camille, Pauline, Angélique, Seb, Zoé, Elodie, Amélie, Marine, Anthony, et puis bah, tous ceux qui me reconnaîtront. Et à toute l'équipe, ça roule. Bisous. Voilà, toute l'équipe. Bisous, Magali, passe une belle bisous. Soirée. Merci. Bonne soirée à vous tous, on va remercier quand même nos invités. Il y avait ce soir dans l'émission, et on peut les applaudir, Bana C4. Ouais. Et bah bonne chance pour la suite. Donc viens rappeler l'actu de Bana C4. Donc ça arrive pour cet été. Ouais, ça arrive pour cet été, notre premier album qui va s'appeler Arrête Jeu, produit par le label Bombay Music. Et puis voilà, on est en tournée dans toute l'Afrique. Là on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait Congo Kinshasa, Congo Brazza. Là on arrive au Cameroun, au Gabon, dans tous les pays d'Afrique. Et puis on sera en concert le 28 octobre au Pan Piper. Donc ça c'est à Paris, ouais. On sera avant au 13 septembre pour venir soutenir les grands frères. Merci beaucoup. Voilà, tous ceux qui soutiennent Bana C4, Magic System, à venir nombreux. Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Bana C4, c'est Twitter. Et Bana C4 officiel 2.10 pour le Facebook. Donc, Bana C4, retenez bien le nom. Voilà. Bah, merci. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci à toi, Fred, et au grand frère Magic System. Merci. Et puis voilà. Et ben, on vous attend avec l'album. Merci à vous. Ensemble, merci. Premier Gaou Remix que vous retrouvez sur l'album de Bana C4 qui sortira donc à Red Joe hein, pour cet été. On va saluer une fois. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Ahmed Shaouki était là avec nous. Il est sur le morceau Magic in the Air. Vous l'avez fait à l'instant. Tu veux dire un dernier mot? Peut-être en français, en espagnol, en anglais, ce que tu veux, en marocain. Okay. Merci à vous, à Skyrock, merci à les magiciens, merci à tous les qui nous écoutent ahora. Y muchas gracias por todo. Y ya está. Yes, gracias. Merci à tout le monde. Bien sûr, je peux traduire, c'est trop simple ça. Merci à tout le monde, merci à ceux qui écoutaient. Les professeurs d'espagnol doivent avoir honte. Non mais tu as vu comme j'ai bien traduit, d'un seul coup ça m'est revenu l'espagnol. Ah c'est merveilleux ouais. Tu veux dire un truc là, je suis chaud hein. Tu veux dire un truc en espagnol, je suis chaud hein. En même temps c'est bien qu'on s'arrête là-dessus. Merci. Merci Ahmed en tout cas. Muchas gracias Ahmed. Ahmed que vous avez découvert aussi, nous on l'a beaucoup joué dans Rise Supreme avec DJ Case, le morceau Habibé I Love You, avec Pitbull évidemment, donc qui est un des gros cartons. Et puis on attend donc fin mai, hein. Fin mai il y a un nouveau single qui arrive. Voilà. The time of our lives. The time of life. Merci aux magiciens d'avoir été avec nous. Ok. Rendez-vous demain avec d'autres invités. Demain, d'autres surprises. Voilà. D'autres invités. The time of our life. Et là, nous allons retrouver Difool. Hola, que tal? Hola. Hey, Difool. C'est toi que j'aurais dû appeler Difool. Je sais que tu parles terriblement bien espagnol. Si, que tal? Guapa, guapa. Ah. Guapa. This is Difool. Yes, on parle américain aussi, un peu ici, ouais. C'est ça. Hola. Hola. Hola. Je te présente donc Ahmed Shaouki. Hola, Ahmed Shaouki. Tout bien? Eh, hey, tout bien. Tout bon. Ah, c'est pas italien, ça? Non, je suis en portugais, là, maintenant. Ah oui, hein. tu es tellement multilingue. Tout bon. Bah, merci pour le Planet Rap. C'est un plaisir d'en trouver tous les soirs. Et on sera là, on loupera pas une minute demain soir, dès 20h. Romano, t'avais un truc à demander au Magic System. Ah ouais, évidemment. Les Magic System, j'aimerais bien chanter avec vous, un de ces soirs, là. Ah, Romano veut chanter avec vous, les Magic System. Et enfin, il veut massacrer un de vos titres. Ouais, plutôt. Ou le medley, je sais pas, le medley était tellement super. C'était notre choix aussi, hein. Romano, on te cherchait pour ces futurs. Ah bah, vous êtes trompé. Tu vois. Ah bah voilà, c'est. Je suis là pour vous. C'est réglé. Ok, donc c'est réglé. Tout est bon. C'est bon. Tout est bon. Ah, tu veux chanter aussi en espagnol? Moi, bon, je chante toutes les langues. Aucun problème. C'est ça le succès international. Vas-y, bon, on va caler ça avant la fin de la semaine. Ok, c'est bon alors. Tout est bon. C'est tout bon. Eh bien, on vous remercie. Magic System demain avec Fredo dans Planète Rap. Planète Rap 20h-21h tous les soirs. Et nous, c'est 21h minuit. C'est Radio Libre. Et dans un instant, attention, c'est parti. Attention. Ouais. À tout de suite. Ciao.